N'importe quel autre me fout du quart de champ, mais tu ne décolles pas de la buvée. La détente des prestations, je me souviens de l'interview. C'est là que je me suis bloqué, car ils ne me font rien fait. Moi, je reviens des armures, marcher dans cette pourriture. Moi, je reviens des armures, car c'est bas contre la dure. Moi, je reviens des armures, marcher dans cette pourriture. Moi, je reviens des armures, car c'est pas contre la dure. La décharge fait mon bonheur privé à n'importe quel heure. Je me fous du garde-champ, mais tu ne colles pas de la buvette. La décharge fait ma nature, je me souviens de la verdure. C'est là que je me suis meublé, car il ne me faut rien payer.